Toute ma vie, je serai là. Toute ma vie, je resterai. Un homme entier à tes côtés. Toute ma vie, je t'aimerai. Et l'on sera entièrement dévoué. Et l'on sera entièrement aimé. Quoi que l'on fasse, quoi que l'on donne, quoi qu'on nous dise, on se pardonne. Quoi qu'il arrive, on passera. Quoi qu'il arrive, on s'aimera encore. Qui d'autre que toi pourrais-je aimer? À qui d'autre pourrais-je t'en donner? J'ai beau attendre que tu te lasses, jamais tu ne t'es défilé. En repensant à nos instants guéris, en regardant tout ce qu'on a construit. Et l'on sera entièrement dévoué. Et l'on sera entièrement aimé. Quoi que l'on fasse, quoi que l'on donne, quoi qu'on nous dise, on se pardonne. Quoi qu'il arrive, on passera. Quoi qu'il arrive, on s'aimera. Et l'on sera entièrement dévoué. Et l'on sera entièrement aimé. Quoi que l'on fasse, quoi que l'on donne, quoi qu'on nous dise, on se pardonne. Quoi qu'il arrive, on passera. Quoi qu'il arrive, on s'aimera encore. On s'aimera.